Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La petite Renée Bonnetin a une enfance hors du commun. Ses parents explorent l'Afrique. Son père Paul est un naturaliste en mission officielle. Et puis sa mère Raymonde est la première française à atteindre les rives du Niger. C'était en 1893. Ah oui, une sacrée enfance qui mérite des souvenirs. Bah tiens, des photographies. Vers 1894-95 au Soudan, un cliché montre la jeune fille Renée avec sa belle robe claire et son grand chapeau pour la protéger du soleil. Elle est assise dans un jardin. Derrière elle, quelques arbres d'ornement. Au loin, le toit d'une jolie demeure. Renée Bonnetin est souriante, elle pose pour la photo. Autour d'elle, 12 crânes. Oui, eux aussi tout blancs, 12 crânes, ceux de soldats, de guerriers africains révoltés contre l'envahisseur, des hommes tués et dont les crânes, séparés de la chair, servent de trophée. Ah non, tiens, il y en a 13 sur la photographie, 12 sont posés par terre et le 13e se trouve entre les mains de la jeune fille. Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, la construction de la figure du guerrier et de la guerrière, du samouraï à la chevaleresse, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion, des émissions à commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous partons aux colonies, oui, aux colonies, pour regarder les images venues des colonies, pas n'importe quelles, des images photographiques, des images transformées ensuite en gravures, des images qui montrent les guerriers, le guerrier colonial, bien loin des allégories de conquêtes héroïques, de conquêtes héroïques. Avec nous aujourd'hui, Daniel Folliard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'Université Paris-Nanterre et vous travaillez sur l'image, sur la photographie et notamment sur la photographie au moment de l'expansion européenne. Dites-nous, dans votre ouvrage publié à La Découverte, Combattre, punir, photographier, empires coloniaux 1890-1914, photographier. Qui photographie ? Ce sont les colons ? En fait, il y a des photographies de tout type qui servent à votre étude. Absolument. On va avoir un cœur dans l'archive que j'ai exploité qui est un ensemble de photographies prises par les soldats eux-mêmes, par les militaires eux-mêmes. Et on va trouver aussi une profusion d'images, notamment au début du XXe siècle, prises par des acteurs qui vont commencer à dénoncer notamment les violences coloniales. Et le mot d'ailleurs apparaît à l'époque. On pense par exemple aux missionnaires protestants qui vont dénoncer les exactions au Congo belge. On va trouver aussi de l'image créée par des gens qui vont petit à petit devenir des professionnels de l'image. C'est vraiment la naissance du photojournaliste au tournant du XXe siècle. On va voir émerger les premières figures comme Jimmy Hare. On va voir des gens comme Reginald Kahn, qui est un personnage un peu oublié, qui est un photojournaliste français, devenir des gens salariés pour prendre des photos de guerre. Et on va trouver aussi tout simplement de simples conscrits prenant de la photographie et dénonçant à leur tour certaines exactions. Ça va être le cas au Maroc, par exemple, pendant la longue campagne du Maroc, côté français. Oui, ces photographies, en fait, ont plusieurs sources, plusieurs origines. Donc, on le comprend bien. Ça peut être de l'album privé, ça peut être un photojournaliste qui est parti. Et puis, il y a aussi plusieurs destinations à cette photographie. Il y a le simple souvenir et, vous nous le dites bien, la volonté de dénoncer. Ces photographies se trouvent où aujourd'hui ? Dans les greniers des uns, des autres ? Il doit y en avoir encore plein. Et puis, certaines sont évidemment archivées. Alors, c'est la grande difficulté, finalement, de travailler sur ce genre de matière. Ça exige de reconstituer une archive qui n'existe pas. La plupart du temps, au fil des constructions des archives que l'on connaît en France ou en Grande-Bretagne, ces images ont souvent été séparées des archives écrites et transformées en outils pour illustrer tel ou tel livre parlant d'exploration ou de campagne militaire. Et ça a rarement été considéré comme un matériau brut qui puisse être traité directement. Alors avec le temps passant, on voit de plus en plus de familles léguer une partie de ces ensembles à des institutions. Donc moi, j'ai préféré travailler sur ce genre de legs. On va en trouver à l'ECPAD, le service qui archive les données médiatiques de la défense française. Mais c'est vrai qu'une piste de travail sensationnelle, ce serait des espaces de vente comme Drouot, où on voit de plus en plus apparaître au fur et à mesure que les héritages se succèdent, des albums, des fonds très intéressants pour tracer, alors vous parliez de diffusion, pour tracer l'apparition, l'origine de certaines gravures, de certaines images qui sont parfois devenues totalement iconiques dans la presse française ou britannique de la fin 19e et du début 20e. Et on commence à pouvoir retisser des liens et à comprendre qui a pris les photos, comment elles sont arrivées entre les mains des publiants en métropole, et à retisser tout un réseau de circulation médiatique. C'est ce qui est passionnant dans cet ouvrage « Combattre, punir et photographier », c'est qu'il y a d'une part des photographies qui sont devenues des icônes, on peut le dire, puisque la photographie donc publiée dans la presse ou transformée en gravure et publiée dans la presse est devenue un symbole. Et puis il y a de la photographie de l'intime presque, et la confrontation des deux permet de comprendre le regard porté, alors évidemment par le photographe, mais plus globalement par la société sur ce monde en train d'être colonisé. Et j'évoquais, pour commencer cette émission, une photo qui est en couverture du livre « Combattre, punir, photographier ». C'est une photographie où là, nous sommes complètement dans l'intime. C'est une jeune fille qui pose devant sa maman au Soudan, à la fin du 19e siècle, mais elle est entourée de crânes de soldats qui ont été tués. Alors c'est une photographie qui est intéressante parce qu'elle a un côté exceptionnel. J'en ai pas trouvé des dizaines comme ça. Là, on va trouver de la photographie trophée dans des albums de soldats. Celle-ci est assez extraordinaire. Il faut d'abord bien comprendre que Raymond Bonnetin photographie vraiment. Ça c'est une certitude. Elle a publié à l'époque un récit de voyage, probablement corrigé par son mari, Paul, qui est un administrateur un petit peu inattendu, parce que c'est un littérateur qui a fait des duels avec Octave Mirbeau autour de questions un peu compliquées avec Sarah Bernhardt. Je vais pas rentrer dans le détail. C'est pas forcément l'administrateur le plus évident, mais Raymond, qui est un personnage un peu instable, manifestement, va réaliser toute une série de photographies. Elle va utiliser un certain nombre de ces photographies, on va acceptables dans ce récit de voyage, et celle-ci va rester de côté. Elle est intéressante parce qu'elle prend tout son sens avec la légende qui est écrite au dos, qui est en réalité une légende de dénonciation. Et je l'ai utilisée, elle est largement commentée dans la conclusion. C'est loin d'être une couverture sensationnaliste. Le but était vraiment de mettre en avant ce document étrange, mais qui peut révéler énormément de choses. Parce que finalement, la question, c'est comment nous regardons cette photographie. Est-ce qu'on accepte de lire cette légende et de comprendre que quelqu'un comme des gens comme les Bonnetin pouvaient à la fois être en plein cœur de cette colonisation française, dénoncer certains des aspects de cette colonisation. Le couple Bonnetin vont être un des acteurs de la déchéance de Louis Archinard, qui est un des conquérants du Soudan français, et qui vont accuser d'agression et de violence extrême. Et c'est la question, c'est aussi comment nous, on regarde aujourd'hui ces photographies, parce que finalement, une image, c'est très puissant, et cette image-là, elle est très puissante. Et il faut prendre le temps de sortir de son cadre et d'imaginer tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire notamment le fait que quelqu'un a amené ses crânes. Il y a eu une logistique, si vous voulez, derrière, pour créer cette photographie. On n'est pas dans une exception complètement anormale. Il y a une économie derrière. Dans d'autres travaux que j'ai pu faire, j'ai pu tracer certaines de ces exactions. Ces crânes se retrouvent probablement aujourd'hui dans une collection anthropologique française, probablement. Et ça dit une autre histoire de la colonisation, ces violences extrêmes que pour le coup là on n'accepte pas de montrer. D'ailleurs dans son récit, Bonnetin écrira de manière très révélatrice que le mystère convient au Soudan. Il y a une partie de ce qui se passe au Soudan qui en gros doit rester au Soudan. Daniel Folliard, ce récit de Raymond Bonnetin a été publié en 2019 au Mercure de France, une Française au Soudan sur la route de Tombouctou du Sénégal et au Niger. Donc ça c'est son journal publié, elle n'a pas laissé que ça comme écrit. Il y a aussi ses légendes de photographie et au dos de la photographie de sa fille, cette jeune femme entourée de crânes, Raymond Bonnetin écrit « Mademoiselle Renée Bonnetin, 1894-1895, c'est la date de la photo, jouant avec les crânes de Sofa, entre parenthèses, soldat professionnel de Samory, donc Samory Touré, quelqu'un qui s'est opposé à l'arrivée des Français, fusillé outre Niger après d'inutiles combats pour la plus grande gloire et profit, rajoute-t-elle, de l'artillerie de marine. C'est vrai que nous avons ici cette lecture que vous évoquez, Daniel Folliard, qui est le regard que l'on porte sur la photographie et puis le contexte. En l'occurrence, là, la légende montre que le regard n'est pas simplement celui de mettre en scène un trophée de guerre. Ça va plus loin. Donc il y a aussi toujours la critique derrière. Oui, et c'est une photographie qui nous prend un peu au piège de nos propres stéréotypes. On pourrait, alors suivant la posture qu'on va avoir, aimer voir dans cette photographie l'assurance que l'ultraviolence était permanente et omniprésente dans cette conquête, ce qui n'est pas le cas. Ou à l'inverse, l'écarter d'un revers de la main en disant, voilà, on est une femme un peu isolée, exceptionnelle, troublée mentalement, qui prend cette photo. Et donc, ça ne dit rien, en fait, de significatif sur la colonisation. En fait, il y a une vraie richesse dans ce document, si on prend le temps de surmonter le choc qu'elle provoque, cette légende va complètement réorienter sa lecture. Et puis ensuite, si on contextualise, effectivement, c'est un peu notre travail d'historien, lui trouver une vraie signification, une vraie explication, et la complexité des postures, en fait. Hein, quelqu'un comme Bonnetin, c'est quelqu'un qui va avoir une petite esclave quasiment locale et qui en même temps va se recréer une ascendance imaginaire brésilienne avec une grand-mère probablement descendant d'esclave. Okay, c'est une histoire quand même fausse, mais toute la complexité là de ce que pouvait être la colonisation est dans cette photographie. Et la nécessité de contextualiser, c'est aussi se méfier du focus, de l'effet loupe et de regarder ces photographies qui montrent la violence et oublier la fascination que provoquaient les colonies. Je vous propose un exemple. En 1993, Anne de Gasperi avait été recueillir des témoignages de personnes qui étaient parties aux colonies. Écoutez, c'est édifiant. À 9 ans, quand je venais d'apprendre à lire seulement, j'ai eu entre les mains un livre qu'on m'avait donné, qui était un petit livre qui était fait par un certain monsieur Poupon, 1928 ou 29, et qui s'appelait « Prisonnier des démons noirs ». Pour moi, c'était simplement un fait divers d'un avion qui était tombé dans la forêt équatoriale, dont les passagers s'étaient sauvés, et qui essayait de regagner quelque chose, parce qu'il ne savait pas où était ni trop le nord ni le sud, et surtout, il ne connaissait pas du tout s'il y avait des peuplades dangereuses ou pas, ou des villes ou quelque chose. Donc, j'ai lu ce roman, il m'avait passionné littéralement. J'avais 9 ans. J'étais au fin fond du Périgord, je n'avais jamais vu un noir de ma vie, en dehors de Balthazar qui portait l'encens à l'enfant Jésus dans la crèche, je n'en avais jamais vu, et encore moins entendu parler. Pour moi, j'en avais vu un avec une chéchia sur une réclame de banania ou de je ne sais quoi, mais enfin, ça me paraissait très mystérieux. J'ai eu un véritable coup de foudre pour ça, et je me suis dit à ce moment-là, toi, tu vas aller là-bas, la fascination des colonies. Il y avait aussi cette idée d'aventure, et dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons cette semaine à la construction de la figure du guerrier, et notamment du guerrier colonial. Le guerrier colonial est très difficile à définir, et ce que nous venons d'entendre, en fait, c'est aussi juste le désir d'aventure. C'est très important aussi pour comprendre pourquoi ces hommes et ces femmes sont partis vers les colonies. Oui, tout à fait. Alors, à la fin du 19e, si on parle de la figure du guerrier, on est quand même dans un espace en Europe, hein, pour parler là de la France et de la Grande-Bretagne qui sont au cœur du sujet, qui est peu touché par la guerre, voire pas du tout, après 1870, hein, l'année terrible, et où le combat, l'aventure liée au combat, va se passer uniquement hors de l'Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique pour certains. Et c'est vrai que il va y avoir une forme... Alors, il faudrait modérer cette idée-là de l'exutoire, hein, colonial, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on va avoir effectivement certaines carrières de militaires ou d'aventuriers qui vont commencer par ce désir d'exploration, ce désir de combat aussi, hein, puisqu'il peut y avoir un vrai désir de guerre. On retrouve chez certains acteurs coloniaux comme ça, dans leur mémoire, des phrases qui soulignent, hein, cet aspect-là, c'est-à-dire le fait d'aller vraiment au combat, d'aller vraiment expérimenter ce que peut être la violence armée. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est très important. Alors maintenant, l'effet réel de ces légendes coloniales. On a plusieurs héros, hein, qui sont peut-être connus des auditeurs. Alors un des plus connus pour la France, c'est le commandant Marchand, qui est à la fois explorateur, militaire, le héros de Fashoda, dont on a une statue dans le 12e à Paris. Il faut pas non plus exagérer l'efficacité de cette propagande non plus, au sens où quelque chose qui est très marqué, c'est quand même une question qui reste en suspens, si l'aventure coloniale ou l'aventure des guerres a été si attirante, pourquoi ces armées. Alors l'armée coloniale, ça n'existe pas en tant que telle hein, avant le début 20e, mais pourquoi ces troupes qui partent recrutent si difficilement? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on note pour la France, quelque chose qu'on note pour la Grande-Bretagne. Probablement, il vaut mieux regarder ces héros depuis chez soi que d'aller traverser l'Afrique et manger de l'hippopotame oui. chassé dans les marais. Et puis pour l'expédition marchand, c'est vrai hein, que remonter, passer par le Tchad, essayer de rejoindre le Nil, cela procure aux lecteurs français avides d'aventure des récits qui font rêver. Et cette propagande passe par les récits, elle passe également par l'image. L'image que l'on peut trouver dans la presse, l'illustration, le monde illustré, de très très belles gravures, des gravures souvent réalisées à partir de photographies. Donc il y a une économie de l'image qui se met en place. Daniel Folliard, comment se construit cette économie où les journalistes récupèrent-ils les photos? Alors, parler d'économie, certes, on est quand même dans un système qui est assez informel hein, au début, puisque la communication, on va dire, le mot est anachronique, c'est quelque chose qui n'existe pas au sens strict. Il n'y a pas de service photographique des armées, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France. Donc, on va avoir un système de relations interpersonnelles qui va faire que certains officiers coloniaux, Marchand, c'est un très bon exemple, hein, il va produire avec ses collègues des milliers de photographies de l'expédition. On va avoir aussi des gens qui sont impliqués dans des campagnes. L'expédition de Sikkim en 1904 au Tibet par les Britanniques, vous avez des Kodaks qui sont présents dans toute la troupe hein, et les gens vont envoyer par courrier à leurs parents des photographies qui vont être ensuite vendues dans la presse. Donc des fois ça va être un moyen de compléter un peu ces soldes qui sont pas toujours si brillantes que ça. Et on va aussi avoir ponctuellement sur certaines expéditions des gens qui sont des correspondants de guerre professionnels qui ont l'habitude d'envoyer des croquis et qui vont demander aux soldats qui ont des photos prises sur site des clichés qui vont leur permettre de rendre leur image plus réaliste. Et puis petit à petit, alors c'est pas linéaire, c'est-à-dire que il y a pas une sorte d'avènement de la photographie qui serait une sorte de technologie qui écraserait tout. On va avoir du retour au croquis. Un journal comme Le Petit Journal en France va décider de ne jamais faire de photos avant très tardivement, va préférer la gravure, mais très souvent des gravures effectivement inspirées de photos. Donc on est dans une sorte d'hybride pendant très longtemps. Les anglo-saxons, le monde anglophone plutôt, va basculer beaucoup plus vite hein, vers une représentation photographique de la guerre, de l'expédition, une vision plus réaliste des choses. Et d'ailleurs, de manière assez intéressante, contrairement à ce qu'on peut penser, des fois des reportages qui sont effectivement plutôt de bons reportages. Hein. C'est pas notre rôle de juger, mais si on regarde par exemple la couverture de la guerre des boxeurs en Chine hein, au tournant du siècle, on a finalement en Angleterre une couverture qui est relativement réaliste, qui n'est pas stéréotypée, qui n'est pas toujours anti-chinoise, qui ne multiplie pas les clichés. C'est le travail de quelqu'un comme James Rickalton, qui a un travail assez étonnant, assez modéré d'ailleurs. Hein. On va éviter de montrer des choses trop dures aussi, pour représenter finalement assez fidèlement ce que pourrait être cette guerre. Oui, là vous évoquez, Daniel Folliard, la guerre des boxeurs. On est en Chine, nous pouvons aller au sud de l'Afrique, hein, en Afrique du Sud, pour la guerre des bourgs, où là aussi, hein, donc on va dire fin 19e siècle, nous avons un moment où la photographie est utilisée lors des combats. Ce n'est pas nouveau, la guerre de Crimée dans les années 1850 avait été énormément photographiée. Écoutons le témoignage de Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme, qui en 1937 témoignait sur la guerre des bourgs et notamment sur la défense de Mafeking, donc un siège hein, 1899-1900. One thing that put Mafeking over much in the limelight at home. L'une des choses qui plaça chez nous Mafeking sous les feux de la rampe lors des premiers jours du siège fut les messages enjoués et exubérants envoyés à Lord Roberts, notre commandant en chef. Il était anxieux de savoir si nous tenions et pour lui montrer que tout allait bien, nous avons envoyé ces messages. Mais nous l'avons fait aussi pour une autre raison. Les messages étaient portés par des coureurs d'ici, qui devaient franchir les lignes bourgs la nuit. Et s'ils avaient été capturés, nos messages auraient été lus par l'ennemi. Or, ils n'étaient guère encourageants pour eux. Voilà, donc Robert Baden-Powell avec la voix de Stéphanie Duncan qui évoque ces messages, donc l'information qui part de la zone de guerre, et en l'occurrence là, pour la guerre des bourgs en Afrique du Sud, nous sommes vraiment dans une guerre. Et dans ces messages, il y a toujours la volonté de diffuser de l'image. Et pour les guerres aux colonies, nous avons, dans votre ouvrage, hein, Daniel Folliard, Combattre, punir, photographier, ces images-là qui sont de tout type, au sens où nous avons l'image du soldat avec ses victimes, j'ai gagné, regardez. Et puis, simplement, ce que nous vivons, nous, encore aujourd'hui au quotidien, voilà ce qui s'est passé. Donc, il y a toute une diffusion de photographies, j'ai presque envie de dire, pour répondre à une demande d'information. Oui, il faut vraiment regarder les choses en termes de marché, même si c'est pas très structuré. Il y a une vraie demande. Pendant la guerre des bourgs, là, qu'on évoque à travers ce témoignage, certains photographes vont pouvoir gagner. Alors bon, les calculs de pouvoir d'achat, hein, c'est toujours limité, mais on est sur certains photojournalistes qui vont gagner de l'ordre de 4 ou 5 000 euros par mois en couvrant cette guerre. Donc on n'est pas dans une économie ridicule, hein, on est vraiment dans des sommes qui peuvent être conséquentes. Donc effectivement, il y a une vraie demande de représentation qui n'est pas forcément uniquement de la domination, ça peut être documentaire. Et on va avoir, alors la guerre des bourses, c'est un très bon exemple, parce que là vraiment le marché se structure de manière très forte. La réaction de l'armée aussi se structure. On a les vrais débuts de la censure de l'image à ce moment-là. On a des pellicules qui sont ouvertes et gâchées par les services de l'armée. On est vraiment sur une guerre où le Kodak, la représentation de la guerre, va vraiment se transformer. Et c'est vrai que c'est moins bien connu en France, hein, cette guerre des bourgs, qui marque beaucoup la Grande-Bretagne à plusieurs titres, et notamment au titre de la représentation du guerrier, puisque dans le livre, j'en parle, il y a cette fameuse image de Spionkop, la tranchée, qui est une des premières images du XXe siècle, montrant la mort de masse, la mort anonyme. On est sur une tranchée où des dizaines de soldats britanniques meurent sous les coups de fusil des snipers afrikaners. Et c'est une image qui va avoir un parcours très étonnant. Hein, d'abord de propagande anti-britannique, puis réinvestie par toute une partie de l'opinion publique britannique pour montrer comment les Tommies, les soldats anonymes, les pauvres soldats britanniques, ont été abandonnés par leur commandement dans des postures inutiles. D'ailleurs, vous savez probablement qu'aujourd'hui, le COP de football est nommé d'après ce souvenir douloureux. Oui, ce qui est étonnant, hein, c'est vrai que cette guerre des bourgs est moins connue de l'historiographie française, mais mérite de l'être parce qu'elle contribue à une lecture plus générale de la violence en cette fin 19e siècle et puis qui continue au 20e siècle, avec une guerre qui a un écho, et c'est étonnant, hein, mais même dans la chanson. Je vous propose d'écouter un extrait, hein, de Goodbye Dolly Gray. C'est Harry McDonough qui chante. C'est en 1897 qu'a été créée cette chanson qui évoque ce conflit, la guerre des bourgs. Goodbye Dolly Gray. Daniel Folliard, ce type de chanson est intéressant parce que vous étudiez la photographie, mais en fait les représentations doivent se comprendre en regardant tout ce qui peut porter la représentation, et c'est le cas notamment de la chanson. Oui, c'est très important. De manière générale et théorique, on va dire, quand on regarde ces photographies, et c'est ce que je fais dans le livre d'ailleurs, de ne jamais les séparer d'un ensemble d'écrits et de productions. Et là, c'est vrai que cette chanson, elle est passionnante parce qu'elle est d'abord devenue un tube pendant la guerre hispano-américaine de 1898, puis récupérée dans le monde anglophone au début du siècle. Elle va avoir une longue destinée. Et on est aussi là sur un autre exemple de ces cultures, ces massifications de la culture par des mécanismes de reproduction industrielle qui vont changer un petit peu la manière dont on vit la guerre, on la représente. Cette chanson, elle est aussi intéressante parce qu'elle pointe vers quelque chose de complètement différent. C'est la construction et le fait d'évoquer la guerre dans la culture, notamment britannique, à travers le musical. C'est quelque chose de très étonnant peut-être pour un observateur d'aujourd'hui, mais on a vraiment toute une série de chansons assez majeures, très populaires à Londres, dans les music halls de Londres. C'est là où ça s'invente, cette culture-là, autour de la question guerrière. Alors, la plus connue, c'est By Jingo, qui est écrite et qui devient un tube à la fin des années 1870, hein, pendant la guerre turco-russe, et qui va donner naissance à ce concept de jingoism, hein, de nationalisme impérialiste, d'impérialisme populaire. Vous avez raison, hein, Daniel Folliard, de souligner comment nous pouvons aujourd'hui être étonnés de cette culture où l'armée est partout, mais il faut se replacer dans cette fin 19e siècle, début 20e siècle, où les militaires sont partout. Dans la rue, il y a des gens en uniforme, et puis il y a pour les Français ce temps du service militaire aussi, qui fait que dans la culture, mais presque au quotidien, l'armée est présente. Et ça aussi, c'est important pour comprendre la diffusion de ces photographies du guerrier colonial, qui est un élément en fait de la culture populaire, mais qui n'est pas en marge en fait. Ça fait partie de la culture de nos ancêtres, comme une évidence. Absolument, parce qu'il y a un changement de la position de l'armée, au fond, dans ces sociétés européennes de la fin du 19e. Ce qui peut être là aussi surprenant, c'est de considérer, de reconnaître que l'armée a assez mauvaise image, hein, finalement, dans la première moitié du 19e, notamment en Grande-Bretagne. Wellington, le grand général, traitait ses soldats de lit de l'humanité. On a aussi des soldats qui sont assez mal vus dans cette première moitié du 19e, en Grande-Bretagne notamment, parce que ce sont des briseurs de grève. C'est vrai aussi en France, hein, cette question se pose. Et dans la seconde moitié du 19e, on a un vrai changement d'image. Il y a aussi une prise de conscience en termes de par les publicistes, de la nécessité de construire une image plus positive de l'armée. Alors, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. L'affaire Dreyfus en sera un, notamment. La question de la guerre des Bourgs va détruire l'image du commandement britannique à bien des égards. Mais c'est vrai qu'on a une culture militariste. Alors, elle est compliquée, on a évoqué tout à l'heure le fait que son efficacité n'est peut-être pas si totale que ça sur les recrutements, etc. Mais c'est une vraie part de la culture de la fin du 19e. Alors, voilà, est-ce qu'elle est effective, hein, c'est l'une des grandes questions, hein, finalement, qu'on se pose quand on regarde 14-18. Est-ce qu'il y a vraiment une influence, par exemple, sur cette littérature enfantine qui est peuplée de héros militaires? Alors, Baden-Powell, c'est le fondateur des scouts, hein, donc il y a une militarisation là aussi des activités enfantines. C'est compliqué. Hein, les historiens n'ont pas de réponse très claire. Il y a une partie de jeu, par exemple, chez les enfants très nette, qui neutralise un peu l'impact que ça pourrait avoir en termes d'agressivité, on va dire, hein, de mise en œuvre de ce qu'on apprend. Donc, c'est vraiment un tableau assez contrasté qu'il faudrait peindre là-dessus de ces questions-là. Et puis, dans la construction de cette figure du guerrier au début du XXe siècle, apparaissent les troupes coloniales et notamment le tirailleur sénégalais que l'on retrouve dans la variété et pas seulement en photo, le tirailleur sénégalais qui fascine, hein, avec notamment en 1915 Mayol qui chante « Boudou, ba, da, bou ». Parmi les Sénégalais qu'on fit venir pour la revue, jour du 14 juillet, se trouvait la chose éconnue. Un grand gaillard à la peau noire, aux dents comme l'ivoire. Je vais vous conter son histoire dans cette chanson. D'abord voici le nom de ce brave garçon. Il s'appelait Boudou Badabou. Il jouait de la flûte en acajou. Je n'exagère pas, c'était le plus beau gars de toute la Nouba. Oh. Quand son régiment défilait, au son joyeux des flageolets, le tout en bouc tout admirait, surtout celui de Boudou Badabou. Mayol, Boudou Badabou en 1915, à propos des tirailleurs sénégalais. C'est dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Jérémy Kaufmann. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à l'image du guerrier, mais du guerrier dans les empires coloniaux, avec vous Daniel Folliard. Et justement, nous venons d'entendre, évoqué par Mayol, les tirailleurs sénégalais, nous pouvons évoquer les Zouaves également, les troupes coloniales, là nous sommes vraiment dans la construction d'une figure du guerrier, mais voulue par l'autorité. Il faut créer des troupes. Oui, c'est-à-dire que cette colonisation, cette phase de conquête, elle ne peut pas se faire à bas coût, hein, puisqu'il s'agit quand même de les faire à bas coût. En dépit de cette omniprésence de l'aventure coloniale, il y a relativement peu de gouvernements en Europe qui sont prêts à investir des fonds considérables dans la conquête militaire. Donc, on voit souvent dans les rapports des militaires une sorte de lutte permanente pour essayer d'avoir des fonds. Une des conséquences directes, et puis ça c'est expérimenté très tôt, hein, c'est pas nouveau, c'est d'aller recruter moins cher. En l'occurrence, au niveau local, parmi des guerriers déjà existants, hein, la plupart du temps, qui vont combattre pour encadrés par des officiers coloniaux. Et si on prend l'exemple des Indes britanniques, il y a une conquête de l'Inde par les Indiens eux-mêmes, hein, très largement en termes de ressources humaines. L'unification de l'Inde sous autorité britannique se fait très largement avec des soldats recrutés localement, les Gurkhas par exemple, les Sikhs, voilà. Et la France va, et la Grande-Bretagne vont poursuivre cette politique en Afrique et ailleurs, afin notamment de limiter les coûts, puis aussi pour des raisons d'efficacité. Hein, il y a la sensation que la pédagogie de la violence, le mode d'application de la violence et de la force militaire sera plus effective quand elle sera menée par des gens qui comprennent les règles au niveau local. Oui, avec cette lecture très complexe, en fait, de ces territoires en train d'être conquis, parce qu'ils sont difficiles à saisir, comment les administrer. Il y a plusieurs types d'expériences d'ailleurs, par nation. La France ne procède pas de la même manière dans tous les territoires où elle est présente. Mais dans tous les cas, Daniel Folliard, vous avez trouvé des photographies. Ces photographies que vous avez étudiées couvrent l'ensemble du monde colonial. Il y en a partout. Il y a le même processus, en fait, de laisser une trace photographique. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, au sens où on va avoir des circulations. Moi, j'essaie de recréer ces circulations de pratiques, des circulations entre empires, des circulations entre zones impériales. On va avoir des Français, par exemple, des photographes, qui vont aller en Indochine, puis ensuite bouger vers Madagascar et terminer en Afrique. On va avoir des officiers britanniques, je pense à quelqu'un comme Wingate ou Wellesley, qui est vraiment le grand général, qui vont parcourir tous ces conflits les uns après les autres, ce qu'ils appellent à tort des petites guerres. Et eux vont créer des cultures internes de photographie et les diffuser ces pratiques-là, et aussi convaincre les correspondants de guerre d'utiliser une partie de leur image. Ensuite, il y a des endroits où il y a des angles morts. Il y a clairement des endroits où moi j'étais assez surpris de ne rien trouver. Donc cette histoire de la photographie, il y aurait une histoire passionnante de la photographie à écrire, c'est là où elle n'est pas. Et par exemple l'Australie où on n'est pas en situation de guerre au sens strict, même si les aborigènes, et ça c'est une vraie question, qui nomme la guerre, qui décide quand elle termine, c'est quand même très généralement les Européens qui nomment cette fin de guerre. Donc pas mal de situations, les gens au niveau local continuent à appeler la situation une guerre. Côté aborigène, on va avoir très très peu d'images. Et ça c'est surprenant. J'ai ma petite suspicion là-dessus. Je pense qu'on pourrait espérer voir émerger des collections privées à terme montrant des choses. Mais là, il y a une géographie fine qu'il faudrait faire, que j'ai pas pu faire là pour des. C'est un océan d'images, sur ces zones-là. Par contre, il y a d'autres endroits. Alors, notamment les frontières de conquête. Je pense en Afrique australe, où on va avoir une pléthore d'images ultra-violentes, parce qu'on est dans des sociétés coloniales qui permettent aussi cette économie visuelle-là. Et des fois, ces images basculent dans d'autres secteurs, elles reviennent en métropole et là, tout d'un coup, elles vont poser un énorme problème. Donc c'est intéressant parce que on peut mesurer, qu'on pourrait évidemment mesurer une forme d'histoire coloniale à travers la présence ou pas de ces photos et leur intensité. Et leur intensité avec quand même l'espoir de retrouver des fonds possibles. Vous évoquez l'Australie parce que il y a dans cette histoire de la photographie la question du photographe lui-même et de son équipement. Faut rappeler que nous sommes à un moment où il est possible de manière assez simple et pour une somme modeste de s'équiper d'un appareil photographique. C'est un Kodak. Je suis toujours un peu ennuyeux à rendre les choses complexes. Les historiens, ça dit trop, c'est trop compliqué. Mais là, en l'occurrence, il faut se méfier de cette idée-là. Alors, c'est vrai. Globalement, c'est vrai. C'est surtout vrai fin des années 1890. Quand le Kodak apparaît, parce que là, c'est vraiment une machine très facile à utiliser. On est, pour une analogie qui fonctionnerait, ce serait nos smartphones d'aujourd'hui que n'importe qui peut utiliser et qui permettent de prendre très facilement des photographies réussies. Avant, c'est quand même un peu coûteux. Donc, c'est intéressant aussi de voir qui achète du matériel ou pas. On va avoir des gens qui vont faire des milliers de plaques lumière. Ça coûte quand même assez cher. Enfin, c'est pas gratuit. Ça veut dire quand même une partie. Moi, j'ai calculé à peu près. C'est l'équivalent d'une prime annuelle pour un sous-officier de s'équiper, de faire tourner cet appareil-là. On va trouver énormément de gens qui vont faire ça parce qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin d'enregistrer la mémoire par l'image. Ça, c'est un changement fondamental, je crois, à la fin du 19e. C'est cette analogie entre la mémoire et la photographie que je retrouve dans pas mal d'écrits. Lyoté lui-même va dire, dans ma mémoire, je visualise les choses par la photographie, je prends des clichés mémoriels. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais cette diffusion-là, il faut s'en méfier au sens où, chez les Européens colonisateurs, la technologie, c'est vraiment l'unité de mesure, la domination technologique. Et la photo, c'est une technologie. C'est une machine qu'on va montrer, qui, par sa présence, manifeste déjà une sorte de pouvoir et de domination, et industrielle, quelque part. Et il y a ce cliché de la diffusion comme ça. Il faut s'en méfier parce que des fois, les Européens arrivent, la photo est déjà là. La photo est déjà, ils sont très surpris. C'est vrai, par exemple, en Chine, où finalement, il y a déjà une culture très marquée de l'image. Et puis, à d'autres moments, la photo n'est pas là et n'existera pas de toute façon. Parce que les gens ne la regardent pas, ne la comprennent pas ou ne veulent pas la comprendre. Donc, il faut éviter peut-être le discours de la diffusion simple, parce que c'est un peu celui des Européens qui amènent la photographie, au fond, qui disent, nous, on arrive avec cette technologie, on va pouvoir capturer le monde. Et en réalité, le monde n'est pas capturé. On parlait de ces zones où il n'y a pas d'image. Bah, ça veut dire que beaucoup de gens ont réussi à échapper à l'objectif aussi. Et ces zones où les gens refusent le pouvoir de l'image, tout simplement, ou lui redonne une autre signification. Un des exemples les plus frappants que j'ai mis dans le livre, hein, c'est Bambata, un des derniers grands résistants, alors ce mot aussi, il faut s'en méfier, mais résistant à la colonisation britannique l'espace Zoulou, qui va être tué, décapité, pour montrer sa mort autour, pris en photo, la photo va circuler, et la famille va simplement refuser l'évidence, va refuser la preuve, et va dire non, il est vivant. Et on va avoir la légende de la survie de Bambata qui serait partie ailleurs pendant très longtemps. Donc ça, c'est une histoire de la photographie. Est-ce que l'idée de la photographie, finalement, se diffuse si simplement que ça? Est-ce que les gens reconnaissent son pouvoir? Et c'est là aussi peut-être la limite de certaines analyses de la photographie coloniale, c'est de sous-estimer finalement la capacité des gens à désarmer la photo. On aimerait bien penser qu'elle a ce pouvoir. Des fois, tout simplement, les gens n'ont pas vu les images. Ils les ont vues parfois, hein, je documente ça aussi. Donc ça, c'est un aspect, je pense, assez riche pour des recherches futures. Oui, une vraie réflexion à faire sur l'impact que peut avoir la photographie. Daniel Folliard, malgré tout, pour les contemporains, il y a la volonté d'utiliser la photographie comme preuve, et notamment comme preuve de la mort de l'ennemi. Hein. Nous avons des photographies dans votre ouvrage, faut le rappeler, hein, elles sont d'une violence inouïe, et notamment la tête de Rabat. Donc là, nous sommes au Tchad, pour simplifier le Tchad d'aujourd'hui, et avec cette tête décapitée, brandie au bout d'une pique, pour bien montrer qu'il est mort. Et cet ennemi qui a fait tant peur aux Français, il est mort. Donc il y a aussi ça dans l'utilité de la photographie, montrer la mort de l'ennemi. Absolument, il y a une capacité d'attestation qui est utilisée par les coloniaux. Alors soit dans les cercles fermés pour se venger éternellement, hein, dans une sorte de réplication éternelle et infinie de la mort d'autrui, soit des fois, alors là c'est un exemple assez surprenant, hein, d'une photographie extrêmement brutale qui finit dans l'illustration. Hein. L'illustration c'est le journal de TF1 du début 20e, quoi. C'est vraiment un des médias illustrés les plus populaires, et on voit en une tête décapitée d'un ennemi de la France. Alors, la justification qu'on donne à l'époque, c'est que c'est un tyran sanguinaire, ce qui est d'ailleurs largement vrai, hein. C'est pas vraiment la question, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la circulation de cette image, ce qu'elle révèle aussi des seuils de tolérance. Là, ça devient acceptable finalement de montrer ça. Puis bon, l'histoire est encore plus compliquée, puisque le crâne de Rabat est revenu en France, hein, par ailleurs. Il se trouve aujourd'hui dans une grande collection muséale. Ça dit aussi une part d'ombre de notre histoire assez que la photographie révèle, en l'occurrence, et les réseaux par lesquels elle a circulé révèlent ça aussi. Oui, parce que ce sont des questions extrêmement contemporaines, hein, le retour de ce qui a été emmené en Europe comme relique, avec toute une réflexion que vous faites dans l'ouvrage « Combattre, punir, photographier » Daniel Folliard, autour justement du détournement de cette photographie utilisée comme dénonciation. Je vous propose la lecture par Olivier Martineau d'un extrait d'un article de Georges Clémenceau, donc qui écrit le 31 mars 1894 dans le journal La Justice, un article intitulé « Pour quelques anthropophages ». J'ai sous les yeux 5 photographies accusatrices prises dans la brousse de Bakel, aux frontières du Sénégal et du Soudan. L'une est une exposition de têtes coupées sous la garde d'un jeune nègre. Les 4 autres représentent des cadavres noirs amoncelés, effroyablement roidis dans la confusion suprême. Pourquoi ces cadavres mutilés? Pourquoi ces têtes coupées? Pourquoi ces hommes tués avec les mains liées derrière le dos? Qu'on réponde si l'on peut, et qu'on ose dire l'histoire de ce massacre. Georges Clémenceau, en 1894, lu par Olivier Martineau, qui nous donne son sentiment sur des photographies qu'il reçoit, sur lesquelles il est possible de voir des corps meurtris, des corps abîmés, des corps, il faut le rappeler, hein, ces photographies sont extrêmement violentes. C'est toujours intéressant de trouver l'analyse d'un objet qui peut être objet de propagande avec Clémenceau. Mais dans ce discours en 1894, ce texte, c'est un article, Clémenceau est en marge, où il reflète une autre lecture possible de ces images. Alors, il reflète une réelle autre lecture possible. On n'a pas d'anticolonialisme ou d'anti-impérialisme structuré, évidemment, fin 19e, mais on observe des réactions qui sont loin d'être monolithiques hein, face à cette conquête et à sa violence. J'évoquais Bonnetin qui le dit de manière discrète. Il ne faudrait pas arriver avec le cliché, il ne faudrait pas coloniser le passé, à penser que la France de la fin du 19e est intégralement en soutien de la colonisation et de son ultra-violence. On va très vite voir des résistances. Moi, j'ai retracé toute la circulation de ces photos et on voit toute une série d'acteurs qui vont dénoncer, alors ça va de Clémenceau aux anarchistes, il y a des anarchistes qui vont imprimer les photos et les afficher dans Paris pour dénoncer le massacre. Donc on a effectivement, là avec cet exemple-là qui est passionnant, j'ai trouvé, c'est un des premiers moments où la photographie et son réalisme va créer une sorte de crise médiatique fondamentale. Alors on a le massacre de Fourmies juste après qui va écraser ce moment-là, on n'est pas passé loin d'une vraie remise en question du financement de la conquête du Soudan français à ce moment-là. Il y a eu une vraie crise à cause de ces photographies. C'est une des premières crises photographiques réellement dans l'histoire de France autour de corps meurtris. Donc c'est un exemple assez étonnant qui par ailleurs sera exposé au Musée de la Guerre très prochainement dans une exposition qui va retracer un peu ce parcours. Et donc on a là vraiment une nouveauté fondamentale dans l'utilisation. Alors la question, c'est pourquoi Illustration a jugé utile, hein, c'était pas un journal particulièrement anti-colonial, hein, si le mot peut marcher. Il y a eu une vraie, probablement, c'est un autre exemple, une vraie répulsion. Il y a eu un vrai moment de dégoût face à ce qui s'était passé. Et bon, par ailleurs, dans le livre, j'explique l'histoire de ce massacre. Donc je réponds à la question de Clémenceau. Voilà, vous répondez à la question de Clémenceau. Et puis surtout, c'est étonnant et c'est intéressant que vous reliez ces photographies qui montrent des hommes assujettis dans les colonies avec Fourmies, qui est une évocation du prolétariat lui-même assujetti. Enfin, il y a des concordances qui peuvent se créer à travers ces photos dans une lecture européenne, bien sûr, mais de ce qu'est la domination et toutes les formes que peut prendre la domination. Absolument, il y a de vraies porosités là, sur ces questions-là. La répression de la Commune, en partie faite par des généraux liés à la conquête coloniale, va être dénoncée dans le monde ouvrier comme l'importation de pratiques extrêmement brutales venues des colonies. Et côté irlandais, par exemple, en Grande-Bretagne, parce qu'il y a quand même le problème irlandais en Grande-Bretagne qui donne une perspective à un discours très contrariant pour l'impérialisme britannique, on va avoir le même type de discours. Une mise en parallèle de l'oppression, de la violence, de certaines répressions dans le monde impérial et en Irlande. Donc on a quelque chose ici qui est intéressant. Alors après, la question, c'est la vraie porosité, les vrais transferts de techniques, de répression, de biométrie, de contrôle des populations. Ça, c'est un sujet qui est assez qu'il faut analyser assez finement. Par exemple, sur la photo, les débuts de la photo à utilisation criminelle, on va dire, c'est vraiment dans les Indes britanniques. Alors, est-ce qu'il y a une importation? Est-ce que c'est réinventé? On va avoir les premières utilisations d'empreintes digitales, d'enregistrement, qui sont ensuite adaptées en métropole. Et à l'inverse, le parti du Congrès observe ce qui se passe en Irlande en disant, mais ils appliquent en Inde ce qu'ils font. Donc, il y a vraiment des circulations passionnantes de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, une partie de ces photos vont être détournées pour le monde britannique par des Irlandais, en disant, voyez ce qui se passe là-bas. C'est une honte et ça montre ce que nous subissons juste à côté de l'Angleterre. Et la volonté de contrôler les empreintes digitales, de contrôler les visages, de contrôler les corps, la volonté de maîtriser les corps et parfois, et on le voit sur ces photos, d'abîmer les corps, nous conduit à une violence qui se voit en image, Daniel Folliard, dans les photos que vous montrez, avec une vraie réflexion sur l'ultra-violence, une réflexion sur comment montrer cette violence. Et vous le dites dans votre introduction, c'est une vraie réflexion, vous en tant qu'historien, vous vous posez jusqu'où aller, comment montrer, pour contextualiser et comprendre le sens de ces photos. Alors, dans le livre, j'ai évité vraiment les photos insensées. Il y en a qui sont beaucoup plus dures que celles que je montre, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que à certains moments, on arrive à la limite aussi de ce qui est respectueux. Alors là, c'est un problème historique. Moi, j'ai pensé qu'il était utile de les montrer sur un format qui ne soit pas un format beau livre. Certaines images sont parfois même difficile à lire, hein, d'une certaine manière, c'est un peu volontaire, parce que un énorme gros plan sur une tête décapitée, sur un grand format, ça fait plus d'effet que sur une petite image insérée dans le texte. Donc il y avait vraiment une volonté éditoriale de faire ça, et La Découverte a fait un très très beau travail là-dessus. Moi, j'ai aussi essayé de contacter les dépositaires possibles de ces mémoires-là en Afrique, par exemple, en Asie. La surprise, c'est d'avoir eu très très peu de réponses, finalement. Et ce que j'ai pu observer dans les travaux d'autres collègues, parce qu'il y a quand même une vague montante, il y a une génération montante d'historiens aux États-Unis, aux Philippines, en Afrique aussi. Hein, je cite beaucoup de collègues africains qui travaillent sur ces questions, qui explorent ces questions-là. C'est quand même important d'attester aussi. Hein. Moi, j'apprécie de montrer mes archives en partie, hein, tout en montrant leur fragilité. Hein. C'est une vraie sélection, c'est un montage. Un livre de photographie, c'est forcément un montage. C'est un livre qui ne résume pas l'expérience coloniale, pas du tout, qui en montre un des aspects les plus durs. Donc il y a eu une vraie volonté de trouver un équilibre là-dessus. Ce que on a pu voir dans ces travaux-là aussi, c'est que souvent, ça dépend des endroits, mais il y a eu un vrai désir de retrouver aussi les morts, leur position. Alors le livre, j'utilise pas la photo comme preuve beaucoup dans le livre. Je m'intéresse surtout à son utilisation, mais il y a certaines photos qu'on pourrait utiliser comme preuve. Je pense à Bambata, par exemple, dont le corps pourrait être localisé grâce aux photographies. Et je sais, pour avoir d'autres exemples, qu'en Afrique du Sud, c'est quelque chose que les descendants apprécient, même si les photos sont très violentes, de pouvoir retrouver une trace et éventuellement localiser. Mais c'est très variable. Et là, il y a un vrai problème de fond. La réponse est difficile à trouver. Oui, et puis la photographie a toujours cette faculté de nous approcher de notre sujet. Et vous évoquez la preuve, peut-être pas preuve définitive, bien sûr, car une photographie est un cadrage. Elle demande à être recontextualisée. Mais c'est un autre regard sur ce moment très particulier qu'est celui de la colonisation qui nous parle encore aujourd'hui. Vous avez bien fait d'évoquer les descendants parce que c'est ce genre de réflexion sur ce qui s'est passé qui permet peut-être en fait... d'échanger, tout simplement, même si les photos sont ultra-violentes. Merci beaucoup Daniel Folliard. Combattre, punir, photographier, empires coloniaux 1890-1914, c'est à La Découverte. Il est l'heure dans le journal, dans le cours de l'histoire, de retrouver le journal de l'histoire avec Anaïs Quien. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, on conserve la grippe. Comment fait-on pour penser ce qui nous arrive ? L'histoire, la fiction, les scénarios catastrophes et des livres, des débats, des articles. Et on élabore des musées pour en conserver les traces, les mettre en collection, les exposer. D'ailleurs, un musée de la grippe a été créé après la Deuxième Guerre mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est ce qu'on apprend dans l'essai de l'anthropologue Frédéric Keck, Les sentinelles des pandémies. Après l'épidémie de grippe espagnole apparue en 1918, la grande catastrophe qui a fait de 20 à 100 millions de morts en 2 ans seulement, ce qui en fait l'épidémie la plus meurtrière connue, donc après cette hécatombe planétaire, la nécessité de suivre l'évolution de ces virus qui franchissaient allègrement les barrières d'espèces devient pressante. Une curieuse collection est alors rassemblée pour ce musée de la grippe grâce aux échantillons conservés pendant l'entre-deux-guerres dans le but de comprendre cette grippe espagnole de 1918 et ses mécanismes. Au Royaume-Uni, on s'était essayé à isoler les cellules du virus en l'inoculant au furet, bien connu pour éternuer comme les humains, tandis que l'armée américaine avait mis en place une commission sur la grippe en 1941. Les efforts de compréhension de ce nouvel ennemi identifié existaient bien, mais restaient dispersés. Comme on l'a compris depuis, les virus de grippe mutent en permanence et rendent les vaccins difficiles à trouver. C'est pour étudier les écarts entre toutes les variantes de ce virus que l'OMS lance un appel à ses membres à travers le monde pour recueillir le plus grand nombre possible d'échantillons de grippe et faciliter l'élaboration d'un vaccin. Mais dans les années 70, le principe de cette collecte est contrarié.